Yesterday, Seato talked about Sati Sambhojanga. So today, Seato will speak about the second of the Sambhojangas, Dhamma Vijaya Sambhojanga. Hier, Sayado a parlé des Sati Sambhojanga. Aujourd'hui, Sayado va parler de la deuxième Sambhojanga. C'est Dhamma Vijaya Sambhojanga. Le mot Dhamma Vijaya est composé de deux mots, Dhamma et Vijaya. Dhamma fait référence au Dhamma ou phénomènes physiques et mentaux. Ça signifie que les phénomènes ont des caractéristiques individuelles uniques. Donc, sont des phénomènes naturels et leurs caractéristiques. Vijaya signifie discriminer, investiguer ou savoir. Donc, quand vous combinez les deux mots, ça signifie l'investigation et la connaissance des caractéristiques des phénomènes physiques et mentaux. Dans les textes bouddhistes, le mot Dhamma, dans Dhamma Vijaya, est expliqué comme Sabhava. Sabhava signifie l'essence ou la caractéristique ou nature individuelle. Pour faire un exemple des caractéristiques individuelles ou Sabhava Lakana d'un phénomène spécifique, on peut prendre les quatre grands éléments. Par exemple, l'élément de la terre, Patavi Dhatu. Il a la caractéristique unique d'être rugueux, d'être dur ou mou. L'élément de l'eau, Apo Dhatu, a la caractéristique d'être fluide ou faire coller les choses. La caractéristique des Tejo Dhatu, l'élément de la température, le feu, est d'être chaud ou froid ou tiède. Et la caractéristique des Vayo Dhatu, l'élément air, et de pousser les choses, de les rendre raides ou lâches. En plus, l'esprit a la caractéristique de connaître l'objet, et la concomitance mentale de Passa a la caractéristique de contacter, de rentrer en contact avec l'objet. Tout ça est ce qu'on veut dire quand on parle de caractéristiques naturelles individuelles qui ont les dhammas. Pour rendre ça plus clair, ce qu'on fait en pratique est d'observer le mouvement de l'abdomen quand il se soulève et il s'abaisse. Et ce qu'on arrive à observer, des choses comme la raideur, la tension, le mouvement, le déplacement dans un endroit à un autre, celles-ci sont les caractéristiques de l'élément air. Avec chaque observation, avec chaque note, s'il y a la connaissance de ceux qui connaissent ça, la qualité de la raideur, rigidité, de la tension ou de mouvement, la connaissance de ça est Dhamma Vijaya, l'investigation des dhammas. Pendant qu'on observe le soulèvement et abaissement, cette qualité des Dhamma Vijaya est d'investiguer et connaître les caractéristiques de l'élément air. Quand ces qualités, comme raideur, tension, mouvement, déplacement sont connus. Et parfois, il y a de la chaleur qui apparaît dans le corps. Et le yogi s'y concentre dessus très soigneusement. Et ensuite, le yogi arrive à connaître qu'il y a de la chaleur. Et la chaleur est quelque chose de physique. Et la connaissance que le yogi a de la chaleur, le yogi le sait, il le connaît, et ça, et quelque chose de mental. Cette compréhension de qui connaît et sait discerner, ça est physique, ça est mental, ça est la qualité de Dhamma Vijaya. Ces bojangas, ces facteurs de l'illumination, ils deviennent plus apparents dans le stage de Udayabhaya Jnana, la connaissance des apparitions et disparitions des phénomènes. Si on va mentionner les caractéristiques naturelles des différents types de dhammas, ça prendra beaucoup de temps. Il y a beaucoup, beaucoup de types de dhammas et beaucoup, beaucoup de caractéristiques. Quand on observe assez fréquemment, par la suite, on connaîtra un autre type de caractéristiques naturelles, ou sabbawalakana. Et celles-ci sont les caractéristiques, par exemple, d'avoir une cause et puis disparaître. Ça est la caractéristique de anicca ou l'impermanence. Et elles disparaissent continuellement après avoir eu une cause. Ça est la caractéristique des dukkhas, l'insatisfaction. Et les phénomènes se comportent en accord avec leur nature. Ils ne sont pas sous contrôle. Ça est la caractéristique de anatta, le non-soi. Cette caractéristique sont communes à tous les phénomènes physiques et mentaux. À cause de ça, ils sont aussi appelés sabbawalakkhana, les caractéristiques communes. Ceux qui connaissent ces caractéristiques, ces sabbawalakkhana et dhammavicaya-sambojjhanga. Quand notre pratique devient mature, notre connaissance devient mature. Alors, nous réalisons Nibbana. Et dans ce cas, Nibbana est un Dhamma. Et ce qui l'investigue et le connaît est la connaissance du chemin. Donc, Nibbana est connu à travers Dhammavicaya-sambojjhanga. La caractéristique qui est connue à propos de Nibbana est sa quiétude, sa tranquillité. Nibbana a la caractéristique individuelle ou la caractéristique unique d'être Santi-lakkhana, la caractéristique de la quiétude ou la tranquillité. Dans ce cas, Nibbana n'a pas de caractéristiques communes, car il est permanent, au contraire des autres phénomènes. Donc, est Nicca, pas Anicca. Il est aussi joyeux, Sukha. Il n'est pas insatisfaisant ou Dukkha. Et il est aussi sans un soi. Connaître Nibbana est connaître ses caractéristiques individuelles. Mais il n'est pas comme d'autres phénomènes. Il n'a pas de caractéristiques communes. Mais il y a quand même la caractéristique d'être impersonnel qui est en commun avec les autres phénomènes. Les autres phénomènes physiques et mentaux, ils sont sans un soi inhérent. Donc, dans ce point de vue, ils ont quelque chose en commun avec Nibbana, le fait de ne pas avoir un soi. Quelle est la caractéristique des Dhammavicaya-sambojjhanga et d'être Pajananalakkhano Dhammavicayo, qui est sa caractéristique d'investiguer et connaître les caractéristiques individuelles et les caractéristiques communes des dhammas physiques et mentaux. Avant de connaître ça, avant qu'elle soit connue, il y a les ténèbres. Les ténèbres, ce qu'il y a avant la connaissance, est appelé avidya. Et quand on est dans le noir, on ne peut rien voir. Par exemple, si on est dans une pièce sombre, c'est seulement quand il y a une lumière qui rentre dans la pièce qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur autour de nous. De la même façon, Dhammavicaya est ce que rendent visibles les caractéristiques individuelles et les caractéristiques communes des phénomènes. Ils les rendent clairs et ils réalisent finalement Nibbana. Et quand il y a l'illumination des Dhammavicaya-sambojjhanga, alors la personne connaît clairement ce qui est présent. Si on est dans une pièce sombre, avant que la lumière y rentre, mentalement, il y a de la confusion. Ce qu'on pourrait voir dans la pièce est mentalement déroutant. Mais quand la lumière rentre, il n'y a plus de confusion par rapport à ce qui est présent. Et c'est de la même façon quand il y a la lumière de la connaissance qui éclaircit l'objet. Il n'y a plus de confusion par rapport à est-ce qu'il y a une personne ou pas? Y a-t-il une cause ou pas? Est-ce si impermanent ou il n'est pas impermanent? Est-ce agréable ou pas agréable? Est-ce que j'ai expérimenté sans bon contrôle ou pas. Donc, il n'y a plus de questions comme ça qui apparaissent dans l'esprit quand il y a la connaissance. Aussi, quand il y a la réalisation de la paix des Nibbana, alors la personne connaît sûrement qu'il y a Nibbana et il sait de quoi s'agit. La personne, elle n'a plus de questions. Y a-t-il vraiment ce type de paix ou pas? Mais quand quelqu'un connaît les vrais phénomènes, alors il n'y a plus de confusion mentale. Il y a une connaissance claire. Ça est comment Dhamma Vicaya apparaît dans l'esprit du yogi. Asamo Apachupatana apparaît comme clarté et absence totale de confusion. Quelle est la cause pour laquelle Dhamma Vicaya apparaît? Le Bouddha dit qu'il y a une seule raison qui est que Dhamma Vicaya apparaît quand on pratique et quand on observe. Le premier niveau de connaissance qui apparaît devient la cause, le fondement, la base de l'apparition du deuxième niveau de connaissance. Et puis encore, le deuxième niveau de connaissance devient la base pour l'apparition du troisième niveau. Une analogie pour comment ça fonctionne est, par exemple, quand on pense à notre éducation mondaine ou l'entraînement pour apprendre une compétence. Et chaque année qu'on passe à l'école, par exemple, elle devient les fondements pour passer à l'année successive et apprendre les contenus suivants. De la même façon, chaque niveau de la connaissance de la méditation devient les fondements pour la connaissance suivante. Et pour que la connaissance suivante puisse apparaître jusqu'à finalement cette connaissance arrive à être Dhamma Vicaya Sambojanga. Selon les commentaires, il y a sept causes pour que Dhamma Vicaya Sambojanga puisse apparaître. La première est Paripuchakata, et donc c'est le fait de poser des questions aux gens qui connaissent la réponse. Une question signifie une question sur le Dhamma, pas des questions mondaines. La deuxième cause pour que Dhamma Vicaya Sambojanga puisse apparaître est Vatu Visata Kiriya, qui est de rendre les bases de nos sens propres. Donc, et ça est la propriété intérieure et extérieure. Signifie des choses comme laver vos cheveux, nettoyer le corps, n'être pas constipé. Tout ça est considéré une propriété intérieure. La propriété extérieure est de nettoyer ses vêtements, les laver, nettoyer, ranger sa chambre et la garder en ordre. Ceux-ci sont les deux types de propriétés qu'on doit avoir. La propriété personnelle de votre corps et de votre environnement proche. Car quand l'esprit a ce type de propriétés intérieures et extérieures, alors l'esprit devient clair. Et à cause de la clarté de l'esprit, la connaissance apparaît facilement. La troisième cause est Indriya Samatha Patikarana. Signifie qu'on doit équilibrer les cinq facultés de contrôle. Nos facultés mentales, la faculté de la foi et de la sagesse, doit être en équilibre. Et aussi les facultés de l'effort et des sati, la concentration, il doit être en équilibre. Si la foi est excessive et elle n'est pas équilibrée par la sagesse, on devient excessivement acceptant. On n'investigue rien et on accepte tout. Et si la sagesse n'est pas équilibrée par la foi, alors elle devient trompeuse. L'effort et la concentration, virya et samadhi, doivent être aussi en équilibre. Si l'effort est excessif et il n'est pas équilibré par la concentration, alors l'esprit est agité et il n'arrive pas à se connecter à l'objet. Si de l'autre côté, il y a la concentration qui n'est pas équilibrée par l'effort, alors on sera trop confortable et il y aura la tendance à avoir de la paresse, de la torpeur et de l'endormissement. Les enseignants des méditations doivent faire attention à cet équilibre des facultés de contrôle quand ils voient les yogis pratiquer. La quatrième cause pour l'apparition des Dhamma Vicaya, Sambojanga, est Dupanya Pugala Vivajanata, qui signifie d'éviter des gens qui n'ont pas la sagesse. La cinquième cause pour l'apparition des Dhamma Vicaya Sambojanga est Panyavanta Pugala Sevana, qui signifie de compter sur des gens qui ont la sagesse. Ça ne veut pas dire de s'associer à des gens qui ont lu beaucoup ou qui analysent bien les choses. Car si vous approchez des gens comme ça, la seule chose que vous obtiendrez est seulement ce type-là de connaissances, une connaissance théorique ou une connaissance analytique. Le type de connaissance que la personne qu'on approche doit avoir est la connaissance du Dhamma. Mais combien de connaissances du Dhamma doit avoir cette personne? La personne doit avoir pratiqué et avoir atteint l'étape des Udayabhaya Jnana, qui est avoir observé l'apparition et disparition des phénomènes. Évidemment, si la personne possède encore plus de connaissances pratiques du Dhamma, ça, c'est mieux. Si on regarde de ce qu'est la signification de compter sur quelqu'un qui a la connaissance pratique du Dhamma, ça signifie que il n'est pas assez si la personne, l'enseignant, connaît les écritures et n'est pas assez s'il possède seulement la connaissance analytique ou s'il pratique des façons ordinaires, s'il n'a pas pratiqué des façons intenses ou des façons continues. Une personne comme ça n'est pas capable d'être une guide fiable pour un yogi. Et Dhamma Vicaya n'apparaît pas si on fait confiance à ce type d'enseignant. La sixième cause pour que Dhamma Vicaya Sambojanga puisse apparaître est Gambhiranyanacharya Pachavekana. Ça signifie de contempler les Dhammas profonds, comme par exemple les agrégats ou khandhas, les ayatanas qui sont les bases des sens, dhatu les éléments, les quatre fondements de l'attention et les bojangas. La contemplation de ces dhammas profonds peut développer Dhamma Vicaya Sambojanga. La septième cause pour que Dhamma Vicaya Sambojanga puisse apparaître est Tadadimuttata. Ça signifie de toujours pencher l'esprit vers le développement de Dhamma Vicaya Sambojanga, l'investigation des Dhammas, de donner priorité à gagner une connaissance pratique. Dire qu'on doit donner priorité au développement de la connaissance pratique signifie de ne pas donner priorité au développement de la connaissance théorique ou de la connaissance analytique, le fait de réfléchir sur les choses. Vous devez donner priorité au développement de la connaissance pratique. Il y a des yogis qui donnent priorité à la pensée, à réfléchir sur les choses et à les analyser, et à développer ce type de compréhension de la pratique. Mais yogis comme ça, ils sont laissés à l'arrière en termes de pratique. Mais quand les yogis appliquent la pratique, alors la connaissance qu'on voudrait avoir se développe vite. Simplement, pratiquer selon les instructions du Bouddha. Comme le Bouddha a indiqué, si on concentre l'esprit sur l'objet qui apparaît pour l'observer avec effort et le pointage et en visant l'objet, alors la compréhension se développe à partir de cette concentration. Et ensuite, la connaissance des phénomènes physiques et mentaux apparaîtra, et cette connaissance est Dhamma Vicaya Sambojanga. Du coup, Sayado vous souhaite d'être capable d'appliquer l'effort mental et d'arriver à connecter l'esprit à l'objet soigneusement, et peu importe de quel objet s'agit, de quel objet apparaît. Et en faisant ça, puissiez-vous être capable de développer Dhamma Vicaya Sambojanga, la connaissance qui est appelée l'investigation des Dhammas. Sadhu, sadhu, Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.